Passion classique avec Mathieu Giroux. La réflexion classique est inhabituelle au début, une saveur respectueuse et l'infini ensuite, de la réflexion à chaque instant. Ainsi, la beauté du sens prend toute son ampleur par la musique classique. Voici le clavier tempéré de celui qui a initié la réflexion classique, Johann Sebastian Bach. Les négros spirituels sont un ensemble de quatre voix dissociées en général. Ces voix se parlent entre elles, malgré la dissociation et les discordances. Un canon, dont les négros spirituels font partie, est une joie à l'exécution et à l'écoute, quand les auditeurs comprennent les paroles et les moments de réflexion, moments dus aux discordances. N'hésitez pas à demander la traduction des musiques classiques que vous écoutez. La chaleur d'un chant est plus dense et plus complète que celle d'un simple vers. La joie d'un hymne est plus sensuelle grâce à la musique avec le dialogue des voix. La beauté d'un hymne est la chaleur de la joie humaine qui s'éveille en nous pour nous parler. Les discordances ont besoin de la chaleur des voix pour donner une réflexion ardente, forte et pleine. Les esclaves qui ont composé ces chants croyaient en Dieu et en Jésus, ce qui donne une touche d'espoir, d'inspiration et d'avenir pour ces musiques. Voici « Go tell in the mountain that Jesus is born » qui raconte l'envie de parler de Jésus après s'être échappé dans les montagnes. C'était un négro spirituel libre chanté par les petits chanteurs de Montigny. C'était Passion Classique avec Mathieu Giroux.